Francisco Douiman. Bonjour à vous tous, nous sommes le 9 juillet 2019. Voici la charpente de cette grande édition, de cette mi-journée. Une vingtaine de cas de choléra sont signalés depuis jeudi de la semaine dernière dans les communes de Bouganda et Rugombo en province de Cibitoke. L'administrateur de la commune a décidé d'infliger des amendes à tous les ménages ne disposant pas de latrine. Là, nous sommes à Bouganda. Des cas de banditisme sont signalés sur la route du peuple Murundi, tout près du lycée Rohero et l'assurance UCAR en mairie de Bujumbura. Les vols se font de jour comme de nuit. Les victimes racontent leurs mésaventures. Reportage à suivre. Pénurie de carburant et celle de certaines bières produites par la Braroudi en mairie de Bujumbura comme à l'intérieur du pays. Les autorités concernées promettent de réagir cet après-midi, chacun en ce qui le concerne. Mais nous ferons le topo dans ce journal. Et dans la chronique santé ce mardi, on revient sur les cardiopathies congénitales. Ce sera pour évoquer leur traitement essentiellement chirurgical et qui se fait souvent à l'étranger. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Rebonjour. 24 cas de choléra sont déjà signalés en province de Cibitoke dans les communes de Bouganda et Rugombo depuis le jeudi de la semaine écoulée. Pour le moment, la population des localités où cette maladie est signalée est en train d'être sensibilisée sur les règles d'hygiène. En commune de Bouganda, l'administrateur a même pris la décision d'infliger des amendes à toutes les personnes n'ayant pas de latrine chez elles. Sur place à Cibitoke, correspondance d'Alexis Ndayiragidje. Selon le médecin chef de district Cibitoke, Dr. Celestin Dehose, 21 cas ont été signalés en zone d'Ava de la localité de Mahoro de la commune Buganda, 2 cas à Gitumba de la commune Mugina et 1 cas à Rusiga de la commune Rugombo. Le médecin chef de district Cibitoke, Dr. Celestin Dehose, indique que toutes ces personnes atteintes par le choléra ont été accueillies au centre de santé Rugombo. Dr. Celestin Dehose précise que les agents de la santé communautaire, les administratifs, les chercheurs d'hygiène sont en train de sensibiliser la population sur les règles d'hygiène, surtout à les intimant, l'ordre de construire les latrines. C'est au moment où, selon toujours son médecin, plusieurs ménages de la commune Buganda ne possèdent pas de latrines, d'autres ayant des latrines en mauvais état. Pour le moment, l'administration communale de Buganda a commencé à faire payer une amende à ceux qui ne veulent pas construire les latrines. L'administrateur de Buganda a également suspendu la vente de l'eau en sachet pour éviter la propagation de choléra. Le docteur Célestin Dayahose, chef de district Cibitoke, termine en indiquant qu'ils sont en train de priver tous les ménages où le choléra est signalé. Depuis Cibitoke, Alexine Dairagije, Radio Isanganiro. Et l'association Bon Geste, une des associations qui nourrissent les enfants vulnérables chaque dimanche, dit être favorable à la mesure du gouvernement interdisant cet acte posé à l'endroit des enfants en situation de rue. La présidente de cette association déclare qu'elle n'aide pas les enfants en situation de rue, mais qu'elle assiste les démunis au sein de leur famille. Christine Nahe lance cependant un appel aux associations qui aident les enfants en situation de rue d'emboîter le pas au gouvernement dans la réintégration de cette catégorie d'enfants dans leurs familles respectives. Suivez Christine Nahe au téléphone avec Evariste Nzikobanyanga. Je suis pour cette mesure qui interdit à nos associations de donner de la nourriture, de distribuer de la nourriture aux enfants de la rue. Bon, moi, de toute façon, moi, je vous informerai que mon association Bon Geste, dans ses activités, elle est très différente de peut-être de ces autres qui vont distribuer de la nourriture. Ce que nous faisons chez nous, ils viennent tous les dimanches, mais tous les enfants qui viennent dimanche, ils sont tous à l'école. Moi, je veux à ce que tout le monde, tous ces enfants soient sur le banc de l'école. Alors, quand ils viennent dimanche, c'est pour échanger. C'est pour échanger sur le vécu à l'école, sur leurs besoins. Et puis, je veux à ce que quand même je fasse mon possible pour alléger donc tous ces problèmes-là. Le ministère prend cette mesure. Quel appel que vous lanceriez à d'autres associations qui ne font que nourrir ces enfants de la rue? Distribuer de la nourriture, vraiment, c'est une bonne chose, mais il faut veiller à ce que ces enfants aient un avenir meilleur. Les amener, les aider à aller à l'école, parce que la place de l'enfant se trouve à l'école et non pas dans la rue. C'est cette vision, moi, que j'ai dans mon association. Il n'y a aucun enfant qui peut vivre dans la mendicité, ce n'est pas possible. Il faut que l'enfant soit à l'école. C'est ce à quoi je veille. Tous mes enfants sont à l'école. Depuis le primaire, même que j'ai des enfants en secondaire. Et puis, je ne vous ai pas dit que j'ai Je suis au service de ces enfants depuis 25 ans. Tous les enfants qui sont passés chez moi, ils sont dans la vie. Ce sont des pères de famille. Christine Na est présidente de l'association Bon Geste. Et dans la suite de reportages sur les allocations budgétaires aux différents ministères dans la loi des finances en cours, nous revenons ce mardi sur quatre autres ministères. En tête, le ministère des Transports, Travaux publics et Aménagement du territoire, Mireille Kanyang. Les ressources du budget de l'État exercice 2019-2020 proviendront des recettes fiscales pour un montant supérieur à 854 milliards de francs burundais, des dons à hauteur de plus de 373 milliards et autres recettes pour plus de 98 milliards de francs burundais. Sur 21 ministères, nous revenons sur 4 ministères, à savoir les ministères des Travaux publics, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère du Commerce et celui de la Culture et des Sports, les ministères de l'Agriculture, Santé, Éducation, Énergie et Mines, ayant fait objet de notre édition de ce lundi. Au ministère des Travaux publics, l'allocation budgétaire cette année est de près de 56 milliards de francs burundais, dont plus de 13 milliards de ressources nationales et plus de 42 milliards et demi de ressources extérieures. C'est au moment où, au cours de l'année budgétaire précédente, ce même ministère avait un budget de plus de 40 milliards, avec plus de 13 milliards de ressources nationales et plus de 27 milliards de ressources extérieures. De son côté, le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme se voit allouer un budget de plus de 6 milliards et demi, dont plus de 2 milliards et demi de ressources nationales et plus de 4 milliards provenant de l'extérieur, alors qu'il était de près de 7 milliards de francs burundais l'année précédente, avec plus de 2 milliards de ressources nationales et près de 4 milliards et demi provenant de l'extérieur. Quant au ministère de la Culture et des Sports, il a un budget de près de 3 milliards de francs burundais, alors que son budget pour l'année budgétaire 2018-2019 était de plus de 2 milliards et 300 millions de francs burundais. Sur un budget de plus de 1 327 milliards pour cette année budgétaire, seuls 16% proviendront de l'extérieur. Merci Mireille Kanyang. Certains produits de la Braoudi comme l'Amstel Bock et l'Amstel 65 centilitres manquent dans différents bars à mairie de Bujumbura, comme le témoignent les consommateurs. Les tenanciers de certains débits de boissons font savoir que leurs fournisseurs grossistes n'en donnent plus et que cette pénurie dure depuis 2 mois. Ornella Mucho. Les boissons alcoolisées comme Amstel Bock, une bouteille d'Amstel de 65 centilitres ou Béchou de 50 centilitres manquent dans différents bars en mairie de Bujumbura. Les gérants de ces bars avancent que dans ces jours-ci, l'Amstel Bock est considéré comme inexistant. Mais ils précisent toutefois que ces autres boissons peuvent s'obtenir, mais difficilement et irrégulièrement. Les vendeurs en détail disent qu'ils enregistrent une certaine perte suite au manque de ces produits. Bock est presque 2 mois maintenant. On ne voit pas les bocs, je ne sais pas quel problème au niveau de la brasserie. D'autres produits, ça va parce qu'auparavant, c'était, il y avait des carences. Maintenant, ça va, ça commence à améliorer. On commence à voir les Amstel, Badjou, Royal. Est-ce qu'il y a-t-il des pertes observées suite au manque de certains produits de la Braoudi? Nous sommes les vendeurs. C'est normal quand nous manquons tel produit. Nous manquons maintenant les bénéfices. Même les clients, à chaque fois, ils viennent. Vous n'avez pas les bocs. C'est nous qui nous perdons. Quant aux consommateurs, ils se lamentent comme quoi il est difficile de trouver ces produits. Ils disent que des fois, ils sont obligés de prendre ce qu'ils ne consomment pas ou encore sont obligés de bouger pour trouver ce qu'ils peuvent boire. Moi, je prends la bière promise, mais mes amis qui consomment comme le Bock et l'Amstel sont obligés de prendre ce qu'ils ne veulent pas. Quant à moi, je pense que ce problème devrait être résolu pour que chacun prenne ce qu'il veut. La bière Primus Elephanta, ce n'est produits qui ne manquent jamais jusqu'aujourd'hui dans différents bistrots, précisent les revendeurs en détail de ces bistrots. Ornella Mocho et la Braoudi a promis de s'exprimer sur cette pénurie de ces produits dans nos éditions de la soirée. Et ceux qui se déplacent depuis la ville de Gitega vers la mairie de Bujumbura se plaignent de l'augmentation illégale du ticket. Il est passé de 7 000 à 10 000 et 15 000 francs burundais pour les taxis-voitures de type Probox. Et dans les bus de transport en commun, IAS, le ticket se paye entre 6 et 7 000 francs burundais contre 5 000 avant. Et à moto, il y a eu une augmentation de 500 francs burundais. Les conducteurs de ces véhicules disent que c'est à cause de la pénurie du carburant de type essence qui s'observe au marché, marché noir coûte 7000 francs burundais le litre et demi. Arthur Kavabushi. Selon les usagers des véhicules de transport venant de la ville de Gitega vers la mairie de Bujumbura, il est devenu difficile de voyager à cause de la montée du ticket de transport et cela de manière illégale. Dans la voiture de type Probox de Gitega vers Bujumbura, le ticket est passé de 7000 à entre 10 et 15000 francs bou, au moment où dans le bus Yas, il est passé de 5000 à entre 6 et 7000 francs bou. Sur le taxi moto, il y a eu ajout de 500 francs bou sur le prix habituel. Cette situation fait que la plupart des passagers suspendent leur voyage du fait que les prix sont exorbitants. Les conducteurs de ces véhicules de transport, quant à eux, indiquent que cette montée est due à la pénurie du carburant de type essence qui, au marché noir, coûte 7000 francs bou en litre et demi. Les usagers de ces véhicules demandent que les prix légaux soient respectés. Vous saurez que même au parking des véhicules quittant Gitega vers les provinces de Karusi, Ngozi, Luyigi, Rutana, il y a eu ajout de 1000 francs bou sur le ticket habituel. Arthur Kavabushi, Gitega, Radio Sanganiro. Merci Arthur Kavabushi. Cette pénurie de carburant de type essence est également signalée en mairie de Bujumbura. Sur certaines stations-service visitées par nos reporters, il n'y a aucune goutte. Sur d'autres stations et le carburant, il s'observe de longues files d'attente. Et certaines personnes rencontrées à ces stations disent que cette pénurie perturbe leurs activités au quotidien. Ils demandent à l'État de résoudre ce problème. Et entre-temps, le ministère de l'Énergie en charge de la gestion du carburant nous a donné rendez-vous cet après-midi pour en savoir davantage sur les causes de cette pénurie de l'essence. Surtout, il est 13h09 à Bujumbura. Vous êtes branchés sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je l'avais dit dans les titres, des cas de banditisme sont rapportés par des victimes qui se font voler des objets par des gens qui se cachent après dans une canalisation située sur la route du peuple Murundi, tout près du lycée Rohero et l'assurance UCAR. Ces forfaits se commettent le jour comme la nuit et certaines victimes qui ont raconté leurs mésaventures à notre reporter affirment que ces voleurs sont même quelquefois armés. Les détails dans ce reportage de Mireille Naomi Nitegeka. Ce caniveau se situe derrière l'école lycée Rohero sur la route du peuple Murundi, passant jusqu'à derrière l'assurance ICAR. À côté de cette assurance, il y a l'ex-stade AFB, une place inoccupée que les passants pensent que serait le refuge de ces bandits. Cette victime indique qu'il a passé à cet endroit le soir et ses voleurs ont braqué une arme sur lui pour le dépouiller et l'ont blessé. C'était entre 20h et 21h. J'attendais quelqu'un qui venait d'entrer chez ICAR. Lorsque je suis sorti pour prendre l'air, un individu est venu m'aborder. Il m'a demandé si j'avais une panne de voiture, si j'ai besoin de l'aide. Je lui ai répondu que je n'ai aucun problème. Un deuxième individu est venu et m'a posé la même question. J'ai encore dit que je n'ai pas de problème. Tout à coup, ils se sont mis à menacer avec une arme à feu et un poignard. Nous nous sommes battus et ils m'ont dépouillé tout ce que j'avais, l'argent, deux téléphones portables, une carte bancaire, ma carte d'identité et le permis de conduire. Ils m'ont blessé en me poignardant. Ils me disaient que si je ne lâche pas, ils vont me tuer. Ils m'ont poignardé au niveau du ventre, sur le bras, c'est là où ils m'ont plus blessé pour que je lâche ce que je tenais. Ces passants eux aussi disent qu'une fois volés, ces voleurs se faufilent dans ce caniveau et laissent aucune trace. Ils vous fouillent et s'enfuient par ces tunnels souterrains. Ensuite, ils ont pris la fuite en passant par des caniveaux qui se trouvent entre ICAR et l'ancien stade de football, là où il y a aussi des broussailles. Pour les passants qui se sont exprimés sur le micro de la radio Isanganiro, demandent que la sécurité à cet endroit soit renforcée. Et l'administrateur de la commune Mukaza fait savoir qu'il est au courant de ce banditisme tout en précisant que ce sont des enfants en situation de rue qui sont impliqués dans ce genre de vol. Pour éradiquer ce banditisme, Désiré Mazimaka dit qu'il compte sensibiliser les responsables de la sécurité en mairie de Bujumbura afin qu'ils augmentent les agents de la police à cet endroit. Suivez-le. Sur les caniveaux qui relient au niveau de l'Odeo Palace jusqu'à la jonction de la mairie, il y a un caniveau qui nous aide à écouler de l'eau. Et puis il y a un bus qui traverse le boulevard de la Liberté qui est là, qui tombe directement au niveau de la tente sportive. Ces malfaiteurs, ils trouvent comme un passage, quand ils viennent de cambrioler une personne, ils passent par là. Pendant la journée, la rue est toujours tranquille, les gens baladent très bien jusqu'à 19h. C'est vers les 20h, 21h où les gens savent très bien qu'il y a la sécurité, les gens doivent circuler librement, mais parfois il y a ces jeunes garçons de la rue qui se cachent pendant 21h, 22h et ils cambriolent, ils passent par le bus qui s'y trouve. Mais maintenant, comme ces cas se répètent aujourd'hui, on va en parler avec le commissaire communal pour qu'on puisse y travailler comme d'habitude. Avant, on avait des patrouilles, on les avait empêchés, on a pu appréhender quelques-uns qui sont cloués aujourd'hui au niveau des prisons. Au sein de l'administration communale, qu'est-ce que vous comptez faire pour éradiquer d'office ce genre de banditisme? C'est un travail de routine pour montrer les gens qu'il y a la sécurité, qu'il y a la paix. C'est à ce point-là qu'avec notre force de l'ordre qu'on va travailler. Après cela, on va inviter aussi la population de s'entraider parce que c'est la culture burundaise. À côté, là, il y a l'ancien stade de FFB. Aujourd'hui, c'est clôturé. On ne sait pas ce qui est à l'intérieur. Je pense qu'il y a tant d'arbres qui sont déjà à l'intérieur. On va faire une fouille et perquisition avec le corps de police pour voir si ces jeunes gens ne se cachent là pendant la journée. On va essayer de fouiller et de regarder s'il n'y a pas un danger qui est là. L'administrateur de la commune Mukaza, Désiré Mazimhaka, interrogé par Jean-Marie Vianney Ngendakoumana et contacté à ce sujet, le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a promis de réagir cet après-midi. Une courte pause et c'est le générique pour annoncer la chronique santé. On parle du traitement des cardiopathies congénitales. Radio Isanganiro, chronique santé. La chronique santé de ce mardi revient sur les cardiopathies congénitales qui sont des malformations dues à une anomalie du cœur durant les premières semaines de grossesse. La cardiologue Ginette Muhimondo indique que le traitement est essentiellement chirurgical et nécessite, dans la majorité des cas, des transferts à l'étranger. Elle l'a dit à Francine Dehokogayo. Nous vous avons parlé dernièrement des cardiopathies congénitales qui sont des maladies du cœur apparaissant chez le fœtus au cours de sa formation dans le ventre de sa mère. La cardiologue Ginette Muhimondo revient sur certains facteurs qui peuvent induire ces malformations cardiaques. En général, le cœur il se développe à partir de la 3e à la 8e semaine de gestation et c'est à partir de cette période qu'il y a des facteurs de risque comme certains médicaments tératogènes, comme certaines maladies infectieuses, notamment la rubéole ou autres virus, comme la radiation, par exemple, si la mère a une radio ou elle est exposée à une radiation dans le premier trimestre, donc il peut y avoir le développement de ces cardiopathies congénitales. Je peux parler également de la femme qui a le diabète ou bien qui développe un diabète gestationnel. Je peux dire l'alcool, la drogue. Les corrections de ces malformations sont en général chirurgicales et certaines d'entre elles peuvent se faire au pays. Le traitement, il est plus chirurgical. Beaucoup d'enfants qui ont ces pathologies, ceux qui ont plus de chance, la correction se fait à l'extérieur du pays. Mais je dois dire aussi qu'il y a certaines cardiopathies congénitales qui sont corrigées ici, comme le canal artériel persistant. On a des médecins qui ont ces compétences, mais la chirurgie cardiaque, elle n'est pas très développée au Burundi. Malheureusement, on a des médecins compétents, mais malheureusement, on n'a pas de centre de chirurgie cardiaque. Dans le cadre de la prévention, Dr Ginette Muhimondo appelle les femmes à consulter leur médecin pour un diagnostic précoce. La prévention, justement, c'est que les femmes soient conscientes que ça existe. Quand elles sont enceintes, de se faire suivre par leur gynécologue et aussi, donc, s'il y a des signes de consulter leur pédiatre, si les pédiatres jugent nécessaire de les envoyer vers le cardiologue pour que le diagnostic soit précoce, pour que l'enfant soit pris en charge à temps avant les grandes complications. En général, ça peut conduire à une insuffisance cardiaque, à une défaillance cardiaque, à des troubles de rythme. Donc, les complications, elles sont multiples. Les cas graves des cardiopathies congénitales peuvent nécessiter une transplantation cardiaque.